Après vacarme, traditionnellement, cette histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Le nourrisson était né à terme, un peu poupin, certes, mais d'un tempérament fort jovial. L'encrier couleur 3 n'était pas si éloigné. Depuis, la chose a évolué, varié, bref, a continué. Merci de votre écoute, de votre fidélité et bon été à tous. Rendez-vous à la rentrée. Cette semaine est placée sous le signe de la grosse patate qui brûle les papates, sachant qu'il est question de solliciter un ancien prix Nobel de la paix afin de le traîner devant le tribunal international de La Haye. Ce prix Nobel n'étant rien moins qu'Henry Kissinger. Expression. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux, il est en vie. Cette semaine, les crimes d'Henry Kissinger. Du Chili à Chypre, du Bangladesh au Vietnam, quatre crises majeures pour la diplomatie américaine. Vous en foutez le tout. En Amérique, vous prenez une aspirine comme ça. Parce que vous pesez 100 kilos. Moi, en petit vietnamien, je prends une aspirine comme ça parce que je ne pèse que 50 kilos. Chapitre 1. Expliquez votre cas, jeune homme. Secrétaire d'État, président du Conseil national de sécurité, homme de confiance des présidents Nixon et Ford, Henry Kissinger est pendant une douzaine d'années le maître de la politique étrangère made in USA. Mais voilà, par-delà le talent incontestable du brillant diplomate, reconnaissable et ses éternels hublots carrés cerclés d'écailles, il y a les méthodes employées à l'époque par les USA sous son règne. Méthode réprouvée déjà à l'époque où chaque opposant au grand Mickey ressasse en litanie ses US Go Home et CIASS à longueur de manifestations, de sittings et autres cortèges. Seulement voilà, c'est l'époque où deux super grands s'affrontent avec des méthodes et des techniques parfaitement symétriques. Du suréquipement recommandé par les militaires et obtenu par eux, aux méthodes les plus tordues des services secrets, c'est à qui épatera l'autre dans une course sans fin auquel le reste du monde assiste, passant de poussées éruptives d'adrénaline à des états de léthargie frôlant l'apathie. Cette guerre, bien que froide, a duré quasiment un demi-siècle, elle n'est toujours pas éteinte, et la menace de chaos absolu qu'elle a traîné dans son sillage n'a guère dû faciliter l'humain dans sa quête improbable de l'équilibre. Chapitre 2. Exposition d'une requête improbable. Les méthodes expéditives employées par les USA sous le règne de Kissinger peuvent-elles se retourner juridiquement contre celui qui reçut le prix Nobel de la paix en 1973 après avoir rapproché la Chine du camp occidental? C'est en tout cas la thèse du journaliste britannique Christopher Hitchens. Basé sur les documents officiels déclassifiés, son réquisitoire « Les crimes de M. Kissinger » accuse l'ancien bras droit de Nixon de « crimes de guerre ». Hitchens affirme notamment qu'Henry Kissinger aurait sciemment retardé la fin de la guerre du Vietnam afin de servir les visées présidentielles du camp républicain en 1968. Lorsque le conflit s'arrête en 73, il a fait plus d'un demi-million de victimes supplémentaires. Le livre d'Hitchens accorde également une large place au Chili, bien qu'il n'apporte pas vraiment d'éléments nouveaux, mais son impact médiatique a par contre le mérite de faire connaître des documents déclassifiés des services secrets. De l'enlèvement du général Schneider, à l'époque commandant en chef des armées au Chili, à la solidarité totale du gouvernement US lors du coup d'État de 73, le cynisme d'une administration états-unienne dominée par Kissinger éclate ainsi au grand jour. Encore qu'on ne se berçait plus guère d'illusions déjà depuis un certain temps. Bref, selon ses archives, on est porté à croire que les USA ne se sont pas contentés d'aider à renverser un pouvoir dont ils ne goûtaient guère la couleur politique. On parle bien ici du régime de gauche de Salvador Allende, mais qu'ils sont restés en contact constant avec les services chiliens durant les années de terreur du règne Pinochet. Du Chili au Vietnam, en passant par Chypre, le Timor oriental, le Bangladesh, l'ombre de M. Henry est toujours là. On s'est dit que vous pensiez pas forcément tous les jours au moment du petit déjeuner à la cause chilienne. On s'est dit que pour nous-mêmes, c'était aussi un petit peu le cas. Donc, nous avons décidé de nous rafraîchir la mémoire et tout cela va nous faire nous transporter dans les années 70. Chapitre 3. L'historien Marc Bloch a écrit « L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Mais il n'est peut-être pas moins vain de s'épuiser à comprendre le passé si l'on ne sait rien du présent. » 30 ans en arrière, en effet, la radio romande ouvre son antenne à la question chilienne. Dans l'émission Miroir 70, ce jour-là, l'invité de Jean-Pierre Goretta nous fait un exposé magistral, suffisamment synthétique, pour nous donner une idée de ce lointain pays, le premier à être traversé par ce qu'on appelle à l'époque la Révolution tranquille. À l'enseigne de Magazine 70, Jean-Pierre Goretta et Jean-René de Sigler vous parlent de la Révolution tranquille. La Révolution tranquille, c'est celle du Chili. C'est celle d'un pays qui, par le simple jeu démocratique, a mis en place un président marxiste. Sur un continent, le continent sud-américain, où plane le souvenir idéalisé de Che Guevara, héros de la lutte armée pour la justice sociale, au Chili, sans effusion de sang, sous la conduite d'un homme tranquille, le président Allende, le pays accède au marxisme. Jean-René de Sigler, journaliste à la Feuille d'Avis de Lausanne, revient de Santiago. Son témoignage, recueilli par Jean-Pierre Goretta, vous aide à comprendre ce phénomène politique. Le Chili, vous savez, c'est une vaste terre sur le versant pacifique de l'Amérique latine. 4300 km du nord au sud, à peine 150 d'est en ouest. Si on plaçait le Chili sous notre latitude, il irait de Narvik à la Mauritanie et en largeur, à peine de Genève à Brigue. Il y a donc un nord qui est aride, parce qu'il faut inverser, n'est-ce pas ? L'équateur est en demeure de l'Amérique du Sud. Un nord, le Chili va à peu près jusqu'au 16e parallèle, ça correspond au climat du Vietnam. Un centre de peuplement, où se trouvent les grandes villes, où se trouvent les terres cultivables. Et un sud qui, du côté de la Terre de Feu, finit par ressembler au Groenland, n'est-ce pas ? C'est un pays davantage européen qu'espagnol. Beaucoup de gens portent des noms slaves, des noms allemands, etc. Beaucoup de gens ne sont pas catholiques. Il y a beaucoup de libre-penseurs. Il y a beaucoup de protestants, il y a beaucoup de sectes. En simplifiant un petit peu, le Chili est vraiment un morceau d'Europe. Depuis 40 ans, le Chili, c'est une démocratie, au fond ? Depuis 1932, le Chili est une vraie démocratie, avec des élections libres et régulières. Avec des présidents qui terminent leur mandat. De temps en temps sur la droite, de temps en temps sur la gauche. Oui, une gauche qui représente des ouvriers conscients de leurs problèmes, des ouvriers de l'industrie qui ont appris à lutter. Une droite représentant des possédants, des industriels, des milieux d'affaires. De nouveau, on retrouve une situation assez comparable à l'Europe, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est un pays très industrialisé ? Le Chili a des richesses, il les exporte, cette richesse notamment qu'est le cuivre. Mais enfin, ce n'est pas un pays super industrialisé, puisqu'enfin, il était contraint d'exporter de la matière première. Est-ce que ces richesses, c'est-à-dire le cuivre, n'étaient pas exploitées dans une certaine mesure par les Américains ? Oui, la plupart des intérêts présidaient à l'exploitation du cuivre étaient entre les mains de sociétés américaines, ou du moins de sociétés où les Américains étaient majoritaires. Chapitre 4. À gauche, toutes ! Dans ces années 70, comme on dirait de nos jours, le Chili a scotché son petit monde. Perqué, eh bien, tout simplement parce que, par la voie la plus classique qu'il soit, le suffrage universel, il fait accéder au poste de commande un type de gauche, marxiste convaincu, Salvador Allende. Irritation, dermatose et autres ulcères, des anticocos, d'autant que le butor a osé faire ça sans violence. Le monde à l'envers, là que le bolchevique se pare des atours de l'homme civilisé. Ce serait faire preuve d'amnésie que de mettre le facteur suivant. Le gouvernement précédent, démocrate chrétien, dirigé par un président d'origine suisse, eh oui, le président Frei, a déjà largement mis le pays sur l'aiguillage de gauche. La constitution chilienne est basée sur le même modèle qu'un grand nombre de démocraties, élection du président au suffrage universel, deux chambres, eau et gaz à tous les étages, enfin tout le confort quoi. Et là, Allende l'emporte, oh, d'une courte tête, hein, mais il l'emporte quand même. La conclusion de l'invité de Jean-Pierre Goretta en ce miroir 70 résume à lui seul l'état des lieux. Le nouveau Parlement sera mis en place quand ? Il y aura des élections au cours de l'année prochaine, à moins qu'un événement intervienne d'ici là. Mais en fait, l'arrivée de ces marxistes au pouvoir n'a pas tué la démocratie chilienne. C'est ce qui fait l'originalité et même le caractère passionnant de cette aventure, n'est-ce pas ? La démocratie continue de fonctionner. Alors comme c'est la première fois que ça se produit, ça valait le déplacement. Andrel et Isabel Parra sont les enfants de la célèbre chanteuse chilienne Violeta Parra, famille engagée politiquement. Ce titre, « Porque los pobres no tenían », date de 1968-69 et dénonce la pauvreté du peuple chilien. Andrel et Isabel ont dû fuir le Chili après le putsch de Pinochet. Andrel vit et poursuit sa carrière en France. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Y pa' seguir la mentira lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego ni sindicato que ofende su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y al pobre que es inocente con su inocencia creyendo. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Del corazón de una iglesia salió el cantor Alejandro, en vez de las letanías yo lo escucho profanando. Yo creo que a tal cantor habría que excomulgarlo. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Como al revés está el mundo, me mandarán a prisión, y al cantor de la sotana le darán premio de honor. Pero prisión ni gendarme habrán de acallar mi voz. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Chapitre 5. En 3 ans, qu'est-ce que ça défile ? Allende n'aura eu que 3 ans. 3 ans pour exaspérer une classe dominante qui paye un saladier la facture des mesures prises par son gouvernement, et 3 ans également pour mettre les nerfs de la ménagère à fleur de peau dans des files d'attente interminables qu'elle retrouve chaque jour en allant faire ses courses. Pourquoi toutes ces queues ? S'enflamme un beau jour dans un style qui n'appartient qu'à lui, Jacques Pillet. Il donne la réponse lui-même sur ses ondes le 18 mars 1973. Alors, pourquoi ces queues ? Je prends un exemple pratique, concret. Vous avez une fabrique d'État qui fabrique de l'huile. Or, l'huile manque au Chili. Que se passe-t-il ? La production d'huile a augmenté de façon très significative ces dernières semaines. Et pourtant, l'huile s'est faite toujours plus rare. Donc, il faut bien que cette huile passe quelque part. En fait, on se rend compte que certaines maisons de distribution ont stocké cette huile et ne l'ont pas mise sur le marché tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inflation vertigineuse au Chili. En Suisse, on s'inquiète beaucoup parce qu'on avoisine les 10% d'inflation par an. Au Chili, l'inflation était de 163% par an. C'est-à-dire que chaque mois, la marchandise a plus de valeur et l'argent un peu moins de valeur. Ce qui fait qu'à toutes les étapes de la distribution, à l'usine, chez le grossiste, chez le semi-grossiste et chez le détaillant, on a intérêt à vendre la marchandise le plus tard possible. Santiago et Madre de Dios, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais vous me direz, pour un problème d'huile, on va pas en faire tout un fromage. Que nenni, bien sûr, c'est pas l'huile qui est en cause, c'est cette foutue gauche, cette crapulerie contagieuse exportée depuis le début du siècle par le Grand Est glacé. Moralité de l'histoire, le château d'allumettes démocratique va connaître la tornade du lance-flammes militaire. Envoyé spécial, Philippe Labreveux. Je préfère vous dire tout de suite qu'on n'est pas sûr, qu'on sait que le président Allende est mort, mais on ne sait pas s'il s'est suicidé ou s'il a été suicidé, si je puis employer cette expression. Je suis actuellement à l'écoute d'un correspondant de presse, d'un journaliste d'une radio chilienne qui communique avec une radio argentine, on l'entend très faiblement. Il dit qu'une vive tension règne dans la capitale chilienne, à Santiago, où l'état de siège a été instauré, où règne la loi martiale, et il raconte qu'on entend des coups de feu sporadiques dans la capitale, que tout près de chez lui, le palais de la Moneda, le palais présidentiel, est entouré par les forces armées. C'est tout ce qu'on sait ici à Buenos Aires, parce que, comme vous le savez, les communications ont été rétablies tard dans la soirée, et aucun journaliste étranger n'a encore pu pénétrer en territoire chilien, les aérodromes étant fermés, la route par la cordillère des Andes étant fermée également. Je crois que c'est seulement demain que les premiers journalistes pourront rentrer en territoire chilien, et je ne suis pas sûr qu'ils puissent envoyer des dépêches relatant tout ce qui se passe au Chili, ayant actuellement une censure de presse. La junte militaire a installé le rideau sur l'opération. Peu après, celui-ci se lève sur des images devenues aujourd'hui des classiques, mais qui, en 1973, stupéfient le monde. Hier, les journalistes furent autorisés à visiter le Stade National de Santiago. Le stade où le Brésil conquit le titre de champion du monde en 1962 a été transformé en lieu de détention des personnes arrêtées à Santiago à la suite du coup d'état militaire du 11 septembre. En franchissant les portes du stade, faut oublier les souvenirs des championnats du monde et la beauté du paysage pour entrer dans l'univers concentrationnaire. Camionnettes amènent encore des détenus sous escorte militaire. Un colonel annonce les conditions de la visite. Les journalistes n'auront pas le droit de s'adresser aux détenus qui se trouvent mis au secret, ce que prescrit la procédure d'instruction militaire. Dizaines de soldats, fusils mitrailleurs en main, se trouvent sur la piste cendrée du stade. Il y a un silence réciproque. Les détenus ont dû recevoir des avertissements sur les conséquences qu'ils pourraient encourir. Ils essayaient de s'adresser aux visiteurs. De nombreux visages barbus, des intellectuels, des ouvriers, la plupart entre 25 et 35 ans. Aucun politicien ou haut fonctionnaire connu de l'unité populaire ne semble se trouver dans le stade. Un détenu, torse nu, montre son dos couvert d'un pansement à la hauteur des omoplates et des épaules. Un journaliste prononce la parole « torture » en indiquant sa bouche, puis ses parties génitales. L'armée a pris le pouvoir avec une mission en trois chapitres. 1. Rétablir l'ordre. 2. Le travail. 3. L'obéissance. Et c'est pas la règle sur les doigts, c'est l'état de siège. Un état de siège permanent, renouvelé tous les 6 mois. Les partis politiques sont interdits, les journaux d'opposition également, le droit de grève supprimé, les syndicats et tout. En fait, idéalement, faut pas être opposant. Pendant les 4 premières années, s'opposer à Pinochet équivaut à finir en purée. Victor Jara, chanteur et poète chilien, torturé, mutilé et exécuté par la junte de Pinochet, interprète un poème de Pablo Neruda, le grand poète chilien assassiné lui aussi par la junte. Ce poème interpelle directement les USA en disant « Comme vous avez tué vos Noirs, vous avez tué les Mexicains et maintenant vous tuez des Chiliens. » On écoute « Así como hoy matan negros ». Así como hoy matan negros, antes fueron mexicanos, así matando chilenos, nicaragüenses, peruanos, se desataban los gringos con instintos inhumanos, se desataban los gringos con instintos inhumanos. frente los veta, quien les disputa el terreno y quien de frente los reta es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Por la vereda pasó un caballo de seda, ahora por los caminos galopa nuestro destino, y como dos amapolas se encendieron sus pistolas, y como dos amapolas se encendieron sus pistolas. De frente los reta, quien les disputa el terreno y quien de frente los reta es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Quatre ans plus tard, une équipe de temps présent réalise un sacré coup. En 1977, André Gazu et Claude Smadja foulent du pied la terre chilienne, micro et caméra sous le bras, et réalisent un reportage dans lequel, on le sent à tout moment, leur marge de manœuvre est des plus serrées. Mais ils l'utilisent à plein cette marge de manœuvre pour fouiller et ramener la matière. C'est un vrai bijou. En voici quelques extraits. Le tout est intitulé Ordre, travail et obéissance. Vous pensez qu'il faut éliminer le suffrage universel? Je pense que grande part du mal vient du suffrage universel, c'est vrai ça. Je pense qu'une des grandes contradictions de ces siècles et de l'avance et de le siècle XIX est le suffrage universel, qui arrive à donner la même importance à l'opinion de ceux qui ne savent pas lire et écrire, à l'opinion du professeur. On retrouve cet état d'esprit dans tous les secteurs de la vie nationale, et d'abord à l'université, où la réaction est totale par rapport à l'agitation d'avant le coup d'État. Nous sommes à l'Université catholique du Chili, un bastion de la droite dont les étudiants de gauche tentèrent un moment de prendre le contrôle. Aujourd'hui, l'épuration qui a suivi le coup d'État, l'autorité donnée au recteur militaire, ont tout fait rentrer dans l'ordre. L'ambiance qu'on vive ici, c'est seulement d'étudier, de s'amuser, de parler et ne pas des affaires politiques. C'est tout à fait une vie universitaire tranquille, oui. Normale, et je suis contente. En nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, amen. Père notre qui estás en le ciel, santificado sea tu nom. Non, l'université est calme hein, maintenant. Oui, en général, oui. Par rapport à l'ancienne période qui était très politisée. Mais surtout parce que maintenant, les étudiants, les élèves, ils savent très bien que la seule manière de pouvoir obtenir la possibilité de travailler, c'est d'être un bon étudiant, un bon élève et après un bon avocat. Est-ce qu'il a fallu écarter des professeurs qui s'étaient trop avancés dans la politisation ou des étudiants? Pas du tout. Ont été exclus des universités environ 30 à 35% du personnel enseignant, de 10 à 15% du personnel non enseignant et de 15 à 18% des étudiants, soit environ 18 000 personnes. Comité de coopération des églises pour la paix. Cette notion de dépolitisation, de retour à l'ordre, elle est encore plus sensible dans le monde du travail. Les mineurs du cuivre de El Teniente, comme les autres catégories du prolétariat chilien, savent bien aujourd'hui ce que signifie dans la réalité quotidienne une telle conception. En nous accordant l'autorisation de filmer à El Teniente, la direction de la mine avait bien spécifié que nous ne pourrions pas poser de questions aux ouvriers. Craignait-elle de voir ces derniers exprimer leur mécontentement parce que le droit de grève est supprimé la convention collective suspendue et les principales libertés syndicales réduites à une peau de chagrin. Dans les classes bourgeoises, cette mise au pas des ouvriers, l'accent mis sur la défense de la propriété, ont provoqué le retour de la confiance et des capitaux. Vous développez vos activités à un rythme très rapide actuellement. En effet, c'est cela. Nous développons nos activités. Et comme nous avons foi dans le système, nous pensons que la politique économique du gouvernement est correcte et saine, en accord avec nos idées et nos principes économiques. Je crois aussi que cette politique économique, comme toutes les autres, ne peut être appliquée que dans un système où règne l'ordre, une autorité, où les choses fonctionnent. Pour vous, le problème n'est pas entre le totalitarisme et la démocratie, par exemple, mais entre liberté et égalité. Effectivement. En effet, je pense que le grand dilemme, et je ne sais si vous allez me trouver trop présomptueux sur un problème qui dépasse le cadre du Chili, se pose en termes de lutte qui existe entre deux valeurs qui se disputent la priorité. C'est-à-dire la liberté individuelle face au concept d'égalité. Nous pensons que c'est la liberté qui est la grande tâche à réaliser dans le monde. Au Chili, cette notion s'est développée dans le domaine de l'économie. Nous la développons aussi dans le domaine social et nous voudrions la voir appliquée à tous les secteurs de l'activité humaine. Comme les disparitions, la torture fait partie de la panoplie utilisée contre les opposants ou supposés tels du nouveau Chili. Les noms des lieux où elle est pratiquée, comme la Villa Grimaldi par exemple, les méthodes employées, les noms de ceux qui la pratiquent sont aujourd'hui connus. Et le nombre de victimes est tel qu'on ne peut parler de bavure. Et par rapport aux allégations de torture... Par rapport aux allégations de torture, je dois dire, évidemment, qu'il y a eu de torture. Dans certains cas, certaines personnes appartenant à des forces de l'ordre, de la police ou des forces militaires ont fait l'objet, certaines personnes, de torture. Mais c'est faux qu'on dit que c'est en politique voulue par le gouvernement chilien. Mais à l'heure actuelle, disons, ces allégations de torture continuent. Ces allégations de torture continuent, mais ce sont allégations complètement vague. Il n'y a eu pas une dénonciation précise de torture. On dit qu'on applique torture, mais ces tortures s'en sont investiguées par les juges d'instruction et n'ont pas été prouvées. Elles n'ont pas été prouvées. Prouvées. Voilà quelques extraits du film de Claude Smadja et André Gazu, réalisé en 1977 pour Temps Présent, Chili, 4 ans après. Dans quelle mesure les Américains et Henry Kissinger sont-ils intervenus au cœur de cette crise? C'est ce que vous découvrirez dimanche dans le documentaire diffusé par Histoire Vivante sur TSR2. Demain, une autre crise dans laquelle les USA se trouvent mêlés, beaucoup plus proche de nous, au cœur de la Méditerranée, la crise de Chypre. Histoire Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Infotrafic RTS. En ce qui concerne les colonnes d'attente sur l'axe du Gothard, signalons qu'il y a des bouchons aux abords des deux entrées du tunnel 6 km en direction du Tessin, ce qui correspond à un temps d'attente d'environ une heure. Aux automobilistes romands en direction de l'Italie, nous conseillons d'emprunter les axes plutôt du Grand Saint-Bernard ou du Simplon. Et puis il y a 2 km en direction de Lucerne, c'est-à-dire dans l'autre sens, ce qui représente environ un quart d'heure de patience. Vous écoutez La Première et il est 14h.